Comme voiture sans sigle et comme téléphone sans sim ou un assassin sensible. Tu vas vite dégager comme Barrette sur le rein. T4-4 full option vite teinté. Je suis avec l'équipe, on est éméché. On grille les feux, il faut se dépêcher. Chez nous on splash, pas de sirop. Après 23h on est plus mimi. Le terrain c'est pas San Siro. Le guetter c'est pas Maldini. Je vais leur rendre la monnaie de la pièce. Y'a que le shit qui m'apaise. Je suis choquant comme un coup de taser. C'est pas des punchlines, c'est des coups de presse. Vous êtes pas dedans gros, ça fait flipper. Je la concu RIP. Meilleur que toi, tu peux vérifier. Miskin, je plains tous tes héritiers. Tes couplets sont trop longs comme un lundi après-midi. Pédé, tu dis que tu vas nous faire fais-le. Pendant que nos clips passent à la télé. Tu gueules sur ton pote pour ton pédé. Toute ma puissance vient d'en haut. Mon humeur c'est un météo. Toute ma puissance vient d'en haut. Mon humeur c'est un météo. J'ai fait des dégâts dans plusieurs parties du globe. Fuck top, on rentre jamais, on toque. Des rimes j'en ai un paquet en tonne. Pour quelques dizaines d'euros j't'en donne. Ah le gym est harmonisé. Le crime est organisé. Les gars ce soir je veux m'amuser. J'suis avec ma bitch, lumière tamisée. Fuck toi le Panama n'a besoin de personne. On s'est fait seul, maintenant leur sonne. Quand il rappe, ça l'arsène. J'suis dans le club comme Nicky Larson. Je n'ai pas vu des rappeurs aussi d'hitter que nous, ça fait une date. Quand je la ken, elle me récite mes textes par cœur. Ils prennent des avances de la valeur d'un Clio 4. Et des rêves pour les grossistes. Putain ils ont pas toujours voulu faire le tour de la planète. Reprends le rap avec ma palette. Ils veulent faire les gros mais chrome des canettes. Non les gars sont pas nets. Pas le temps pour tes paroles en l'air. Moi j'économise pour le dernier classe à 45. PM6 pour les bonhommes après 48 heures de garde à vue. Chante comme Louis IDL.